Mais qui sont ces deux hommes? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils sont en train de tout détruire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, grand Davy. Mais Dimitri Nautical. 9-4 son Kai. Il est Sunboy. Ouais, grand Davy. Mais Dimitri Nautical. 9-4 son Kai. Il est Sunboy. Les vulgates dans les danses, mais l'adversaire en chasse. Armé aux lyrics, lacrymogène, mon tronc, ton fil, ton masque à gaz. Le 9-4 son 16, t'aimes l'attente dans la case. La racaille entre en scène et pour eux, c'est la chambre à gaz. Black on est mes dés automatiques, face technique, ouvre mes arrières. Son Kai, tout le monde lance l'attaque, qui teste ma clique, ouvre un temps de guerre. Black et Bicou, haut parleur pour les ghetto people en ping-pong. Attaque au micro, tu peux aboguer le dealer, je suis le poids, je suis le Dragon King Kong. Qui concourt clash, verra ses dernières prières récitées. Il boudra chez Lucifer entre six planches ou terrasse, six pieds 9-4. Son Kai, de retour pour le pur attente à haut micro. Déjà pris pour cible, nombre d'imbéciles, entre faciles, de faire le plus difficile, c'est de prétendre qu'il est mené mes rimes. Et Dragon Davy sur un rédime, mais c'est son taille, fais les feux de balle, sans fil pour toi d'une carabine. La boue pourtant, je shoot pas ta direction pour pas le tien. Dynamite sont mes lyrics, bourré de nitroglycérine, et t'explose à la gueule, sur les bogles, mes rimes. Spontanément et dans la main sur scène, je me manifeste, pouvant plus me contenir, mes dimes, le micro se vexe, microbatique en acolyte chargé, le doigt sur la gâchette. Son camionneur chargé de braquer les discothèques. Mais je lâche pas de lacrymogène, mon lyrics s'éparpille dans l'atmosphère. Son Kai massif débarque et dégaine tous à terre. Tu trafiques ma passion et en fais une fure de mer. Nous sommes à la racaille en mission. Pour t'interdire sur les adversaires. Ma bouche est un kalachnikov, sème la terreur sur la ville. Lyrics explosifs pètent comme une grenade que je dégoûte. Imagine le nombre de victimes qui tombent, succombent. Chaque fois que je balance une bombe, ils disent Dragon, t'es official et le soundboy, tu kills. Ils disent s'inspirer, mais la pâle copie est trop facile. Ce qui fait qu'elle touche des sounds à l'inspire beaucoup trop fragile. Fils du papa Almighty, son boyon qui l'empile. Le son de Kai massé pour l'attentat, on tire dans le mille. Son de Kai de retour pour le pur attentat au micro. Sauf le tout à vous, on arrive à l'enfer plein d'étoiles. Dragon Davy, mais des messes, une combinaison des trous. Pilote un nucléaire, on vient d'être à l'attente. Son de Kai de retour pour le pur attentat au micro. Sauf le tout à vous, on arrive à l'enfer plein d'étoiles. Dragon Davy, mais des messes, une combinaison des trous. Pilote un nucléaire, on vient d'être à l'attente. Sans boîte et d'être, si t'as le malheur de tes racailles. Son idée, j'y signerai pour toi. Je fume jusqu'au mégot. Un soundboy vient nous tester les dédos aussitôt. Il se consume telle une geste que je fume jusqu'au mégot. Avis aux amateurs, ne pas dépasser la douce restrite. Venir tester son caïma si se vouloir mourir en musique. Rien de plus peur que de mourir en micro. Prêt pour le grand voyage avant l'éternel carreau. Son caï d'entour pour le pur attentat.